Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Avez-vous passé une bonne journée? Afin de passer une agréable soirée et de vous préparer à passer une nuit sereine, je vous invite à prendre le temps de vous retrouver avec vous-même. Je vous conseille de vous installer confortablement sous votre couette et de fermer délicatement les yeux pour vous intérioriser. Commencez par prendre trois grandes inspirations par le nez en gonflant votre ventre et vos poumons, puis soufflez par la bouche comme au travers d'une paille. Prolongez l'expiration le plus loin possible. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Très bien. Sentez comme chaque expiration détend un peu plus votre corps et vous permet d'évacuer toutes les petites tensions accumulées au cours de la journée. Laissez désormais votre respiration reprendre son rythme naturel et laissez-vous doucement bercer par ses ondulations. Quelle est votre météo intérieure? Correspond-elle à un ciel lumineux et dégagé, ou plutôt gris et nuageux? Cette image vous permet de visualiser vos émotions intérieures de façon simple et immédiate. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à passer en revue votre journée avec équanimité, avec curiosité et bienveillance. Faites simplement une petite rétrospective des événements sans vous laisser embarquer par vos pensées. Posez un regard dénué de jugement sur votre journée, un simple constat de ce que vous avez expérimenté aujourd'hui. Si vous êtes submergé par des émotions désagréables, posez tout simplement votre attention sur votre souffle et rattachez-vous aux sensations physiques que celui-ci provoque en vous. Quels que soient les événements que vous avez vécus aujourd'hui, je vous invite à choisir une chose pour laquelle vous éprouvez de la gratitude. Si vous avez de la difficulté à éprouver de la gratitude, pensez à quelque chose de très très simple, qui peut vous paraître évident mais qui ne l'est pas forcément. On oublie trop souvent comme nous sommes chanceux de pouvoir vivre dans un pays en paix, avoir une famille, avoir un toit, des amis, de pouvoir marcher, rire, aimer ou voir. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous a rendu fier de vous aujourd'hui. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'avoir sauvé le monde ou réussi un examen important. Accordez-vous le droit d'être fier de vous pour quelque chose qui peut paraître mineur. Peut-être avez-vous fumé une cigarette de moins. Ou encore, vous avez peut-être résisté à l'envie de prendre un dessert. Vous pouvez également être fier de vous accorder ce moment de méditation. Félicitez-vous pour ce que vous avez accompli. Sentez ce sentiment de fierté vous combler. Vous êtes sur la bonne voie. En pratiquant chaque jour ce petit rituel de gratitude et en reconnaissant ce que vous faites bien, vous nourrissez votre self-esteem. Respirez toujours naturellement et laissez votre souffle vous guider, moment après moment. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un petit voyage. Alors que vous êtes allongé ici et que votre corps est parfaitement détendu, je vous invite à imaginer que vous êtes de plus en plus léger à chaque expiration. Respiration après respiration, votre souffle vous libère de toute pression du corps sur le lit. Vous êtes si léger que vous avez le sentiment de vous élever. Imaginez alors que vous vous envolez au milieu des nuages. Léger comme une plume, vous pouvez évoluer parmi eux comme vous le désirez. Devant vous apparaît un énorme nuage bleu clair. Il est magnifique. Observez sa forme, sa taille, sa couleur. Il vous semble tellement confortable, doux et chaleureux. Je vous invite alors à vous diriger vers lui et avec curiosité à pénétrer à l'intérieur la tête la première. Sentez-le vous caresser le visage. À son contact, tous les petits muscles se détendent, le front se lisse. Les joues deviennent molles et la bouche s'ouvre légèrement pour que vos mâchoires se détendent. Vous continuez à évoluer dans le nuage qui caresse désormais vos épaules et vos bras. Vous sentez sa chaleur sur votre dos, votre poitrine et votre ventre. À son contact, vous êtes de plus en plus détendu et serein. Vous êtes maintenant totalement à l'intérieur de ce nuage bleu clair, bien au chaud, à l'abri, comme dans un cocon. Thank you. Votre corps entier se laisse porter par le nuage et plus rien n'a d'importance que ce moment de douceur que vous vivez ici et maintenant. À cet instant, vous êtes libre de poser une intention claire sur votre sommeil pour que celui-ci soit calme, serein et régénérant. Accordez-vous des rêves paisibles et un réveil en pleine forme pour attaquer demain une journée lumineuse. Parfaitement détendu dans votre nuage, vous êtes prêt à vous endormir pour poursuivre votre voyage. Passez une très belle nuit. À bientôt.